Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. C'est une approche qui est en train de révolutionner l'intelligence artificielle. Les chercheurs l'ont baptisé apprentissage profond. Il s'agit de programmer des machines pour qu'elles apprennent par elles-mêmes. Comment fonctionnent ces ordinateurs qui utilisent des réseaux de neurones artificiels? À quoi pourraient-ils servir? Et ne risque-t-on pas d'en perdre le contrôle? Nous allons en parler dans un instant avec l'un des plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond. Yann Lequin. Des empreintes de ptérosaures, d'espèces jusque-là inconnues, découvertes à Cressac, et une petite zone du cerveau directement liée à la conscience, identifiée chez le macaque. Voici deux des thèmes que nous aborderons dans la revue d'actu vers 15h40. En deuxième heure, à 16h, avec l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, nous reviendrons sur quelques-unes des plus belles réussites de l'exploration spatiale. Et en fin d'émission, nous avons rendez-vous avec le psychiatre David Gourion, qui s'intéresse aux problèmes que peuvent rencontrer les ados. Voilà pour le programme de cette émission, réalisée par David Leprince et préparée par Rebecca de Nantes et Thomas Lehété. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Bonjour Karl, comment ça va à bord? Bonjour Monsieur Hammer. Tout est parfaitement en ordre. Karl, vous avez une énorme responsabilité dans ce voyage. On pourrait dire que vous portez la plus grande part des responsabilités confiées aux membres de ce vaisseau. Vous êtes en fait le cerveau et le système nerveux de l'astronef. Et vous êtes programmé aussi pour surveiller l'état des savants qui sont en hibernation. Vous est-il jamais arrivé de douter de vos capacités? Permettez-moi de vous répondre en d'autres termes. La série de superordinateurs Karl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis, parfaitement au point et incapables de nous tromper. Karl, malgré votre immense capacité de raisonnement, éprouvez-vous un complexe du fait que vous dépendez des hommes pour mener à bien vos instructions? Pas le moins du monde. Je suis heureux de collaborer avec l'homme. Extrait de 2001, l'Odyssée de l'espace, bien sûr, avec ce célèbre ordinateur Karl Hall dans la version originale. Ordinateur super intelligent et aussi très inquiétant. Bonjour Yann Lequin. Bonjour. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il paraît qu'il y avait sur votre carte de visite pendant longtemps une référence à cet ordinateur Hall. Oui, en effet, il y a une scène dans ce film qui est bien sûr mon film préféré de tout le cinéma, dans lequel... un des astronautes essaie de rentrer dans le vaisseau et l'ordinateur lui refuse l'entrée. Et donc, Hal lui dit « Désolé, mais je ne peux pas ouvrir la porte pour toi. » Et sur ma carte de visite, j'avais changé en disant « Mais bien sûr, Dave, je peux ouvrir la porte. » 2001, l'Odyssée de l'espace et son ordinateur est un film qui vous a marqué. Hein. Vous étiez tout jeune, à l'âge de 8 ans, quand vous avez découvert ce film. Il y est pour quelque chose dans votre vocation et votre intérêt pour l'intelligence artificielle? C'est probable. C'est un peu difficile établir maintenant avec le recul, mais probablement oui. Alors je vais compléter la carte de visite. Vous êtes l'un des pionniers d'un domaine de l'intelligence artificielle que l'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning. Vos travaux vous ont valu de recevoir l'an dernier le prix Turing, l'équivalent du prix Nobel en informatique. Aujourd'hui professeur à New York University, vous dirigez la recherche fondamentale chez Facebook et vous venez de publier « Quand la machine apprend » aux éditions Odile Jacob. Alors aujourd'hui, les machines les plus sophistiquées qui existent dans le domaine de l'intelligence artificielle sont loin d'avoir l'intelligence de Hal, cet ordinateur super inquiétant de l'Odyssée. Oui, très loin. On n'a pas de technique à l'heure actuelle qui permette aux machines de converser, par exemple, de manière aussi fluide que l'on l'entend. On a des systèmes qui conversent, qui sont amusants, disons, quand on dialogue avec eux, mais pas très utiles. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas vraiment profondément ce qu'on leur raconte. Les machines n'ont pas de bon sens encore. Voilà, les machines n'ont pas de bon sens. Même, on pourrait penser, en vous lisant, que les machines sont bêtes, finalement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas très intelligente. Alors, elles sont bêtes à la manière des gens qui sont experts dans un domaine, mais qui sont très, très étroits. C'est-à-dire, on peut entraîner ces machines à, par exemple, éviter des obstacles sur la route. Donc, on a ces systèmes de sécurité dans les voitures qui freinent quand il y a un piéton ou une bicyclette devant nous. On peut les entraîner à reconnaître une espèce de plante ou d'insecte ou d'animal quelconque à partir d'une photo, d'un oiseau, etc. Et en cela, elles sont plutôt meilleures que les humains. On peut aussi les entraîner à traduire n'importe quelle langue dans n'importe quelle autre langue, ce qui est un petit peu surhumain comme capacité. Mais ce sont toujours des tâches très très étroites pour lesquelles il faut collecter énormément de données avant de pouvoir entraîner ces machines à les réaliser. Il y a tout de même des exemples un peu surprenants que vous citez. En 2017, un programme d'ordinateur qui fait mieux que 80% des étudiants aux épreuves de dissertation, de maths et d'anglais pour rentrer dans une université japonaise. C'est du bluff ou ça prouve quand même que la machine est capable de faire mieux que 80% des étudiants japonais? Alors, j'utilise cet exemple pour montrer qu'il faut toujours se méfier, en fait, quand il y a ce genre de nouvelles, c'est que les tests sont faits pour tester les humains, et en fait, ils sont faciles à déjouer. Et donc, ces machines répondent effectivement à 80% des questions. C'est des questions à choix multiples, hein, c'est relativement simple. Mais en fait, ces machines-là ne sont pas du tout intelligentes. Mmh. Elles ont été juste construites pour ce test-là. Ouais. Donc, il faut se méfier quand on voit une tâche apparemment intelligente réalisée par une machine, ça ne veut pas dire pour autant que cette machine peut faire autre chose que simplement cette tâche. Puis se méfier aussi au passage des épreuves pour rentrer à l'université, peut-être sont-elles elles-mêmes un peu faillibles. Elles sont un petit peu faillibles, biaisées, un peu étroites aussi. Ouais. Comment vous définissez, vous, Yann Lequin, l'intelligence artificielle? Alors déjà, l'intelligence artificielle, c'est pas une phrase qui est très appropriée. Elle est passée un peu dans le langage commun, on l'utilise, mais on parle pas de vol artificiel quand on parle du vol des avions, par exemple. Ouais, hein, c'est du vol. Disons, on devrait appeler ça l'intelligence des machines, l'intelligence automatique, je sais pas comment l'appeler autrement. Mais l'intelligence, d'une manière générale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire être intelligent? Ça veut dire percevoir, raisonner et agir. Ça veut dire trouver une séquence d'actions qui va permettre d'arriver à un résultat particulier, par exemple. Donc percevoir, ça veut dire dans quel état est le monde à l'heure actuelle, comment je peux influencer l'état du monde pour arriver à un résultat particulier. C'est ça l'essence de l'intelligence un peu chez les animaux, mais aussi un peu chez les machines. Et qu'est-ce qui vous a conduit, vous, personnellement, Yann Lequin, à vous intéresser à ce domaine, l'intelligence artificielle? C'est une des grandes questions scientifiques de notre temps. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Comment l'intelligence humaine a émergé? Comment fonctionne le cerveau? C'est une des trois grandes questions scientifiques de notre temps, les deux autres étant qu'est-ce que c'est que la vie et de quoi est fait l'univers. Donc c'est en voulant comprendre comment fonctionnait notre cerveau que vous vous êtes lancé dans cette discipline. Ayant la fibre de l'ingénieur, je me suis dit que on ne peut pas comprendre un système complexe de ce type sans le fabriquer soi-même d'une certaine manière, oui. La volonté de recréer dans une machine, le fonctionnement d'un cerveau, mais ça a ses limites. Aujourd'hui, on est très loin de réussir. On en est loin, on s'en inspire. On est loin, avec le vol des avions, on est loin de reproduire le vol des oiseaux. Il n'est pas aussi efficace et les détails sont très différents. Les avions n'ont pas de plumes. Oui, j'avais remarqué. Et on est loin, vous le dites, hein, on est loin de savoir reproduire le fonctionnement d'un cerveau avec des ordinateurs. L'électronique est 1 million de fois moins efficace que la biologie. Oui, alors notre cerveau, en fait, consomme très peu d'énergie pour une capacité de calcul absolument faramineuse. La puissance totale du cerveau, en termes de consommation d'énergie, hein, c'est 25 ou 30 watts, c'est-à-dire à peu près un dixième d'un ordinateur personnel moyen. Or, un ordinateur personnel est 1 million de fois moins puissant à peu près que le cerveau humain en termes de puissance brute de calcul. Très tôt, vous avez cru, et avant beaucoup de monde, à ces neurones artificiels, ces réseaux de neurones artificiels. On appelle ça aussi maintenant l'apprentissage profond. Mais vous, dès que vous étiez étudiant, vous réfléchissiez déjà à une façon de programmer sur ordinateur des petits programmes qui interagissaient entre eux comme des neurones. Oui, alors cette idée d'essayer de s'inspirer un petit peu de l'architecture du cerveau pour reproduire des machines qui marchent un peu de la même façon date en fait des années 40 et 50. Et à l'époque où j'étais étudiant, début des années 80, ce genre de recherche n'avait pas cours du tout, en tout cas pas en Europe, au Japon, mais pas vraiment en Europe, aux États-Unis. Ça a été abandonné, c'est-à-dire il y a eu effectivement dans les années 50, hein, vous le racontez, cette machine qu'on appelait le perceptron, voilà. Qui était une tentative de créer un réseau de neurones artificiels. Sauf que assez rapidement, même certains de ceux qui avaient travaillé dessus ont dit finalement c'est une fausse piste, on n'y arrivera pas. Alors ils se sont dit c'est une fausse piste pour arriver à l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à étendre ces machines pour les rendre vraiment intelligentes. Mais il y aura plein d'applications de ces machines-là. Et en fait, à la fin des années 60, la plupart des chercheurs ont abandonné l'idée d'utiliser ces méthodes pour l'apprentissage des machines, mais les ont utilisées pour tout un tas d'autres choses qui sont en fait à la base de notre monde moderne. La communication entre ordinateurs, par exemple, utilise les modems et ça utilise des filtres adaptatifs qui sont en fait les descendants de ces algorithmes originaux. Donc il y a toujours des retombées positives en fait de recherche qui au départ avaient l'ambition de reproduire l'intelligence. Ouais. Mais ce qui m'a conduit à travailler là-dessus, c'est le fait que j'avais toujours pensé que l'apprentissage était inséparable de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, par pure conception de l'esprit, programmer une machine intelligente, mais par contre, on pouvait peut-être programmer une machine capable d'apprendre et donc qui se rendrait intelligente elle-même d'une certaine manière. Et il s'avère que c'est une idée qui date de très longtemps. Alan Turing lui-même avait écrit là-dessus au début des années 50. Ouais, il disait plutôt que de mimer un cerveau d'adulte, autant apprendre à reproduire un cerveau d'enfant et voilà, à lui faire apprendre pour qu'il devienne un cerveau d'adulte. Exactement. Sur le papier, c'est très séduisant, mais comment on s'y prend pour donner cette capacité à une machine d'apprendre? Et qu'est-ce qu'on entend par ça? Une machine qui apprend. Qui apprend. Alors, maintenant, l'inspiration vient des neurosciences. C'est-à-dire, comment le cerveau apprend, on ne connaît pas tous les détails, mais ce qu'on sait, c'est que l'apprentissage procède par modification de l'efficacité des connexions entre les neurones, qui s'appellent justement les synapses, comme le titre de votre émission. Donc, on met du vent dans les synapses pour modifier ces synapses. Et c'est ces modifications de connexion entre neurones qui vont changer la fonction du cerveau. Donc, on reproduit un peu ça dans les réseaux de neurones. Et on utilise ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire, si on veut, par exemple, entraîner un réseau de neurones à, je sais pas, distinguer des images d'avions, de voitures, on lui montre une image d'un avion et puis on calcule la sortie du réseau. Si le réseau dit avion, on fait rien. Et si le réseau dit voiture, on lui dit non, tu t'es trompé. Et ensuite, on ajuste toutes ces synapses, toutes ces connexions entre tous ces neurones, de manière à ce que la sortie se rapproche de celle qu'on veut. Et puis ensuite, on passe à l'image suivante, etc. On lui montre des milliers d'images, quelquefois des millions, et ça finit par marcher. Alors, on est bien d'accord, ce sont ce qu'on appelle ces synapses artificielles, ces neurones artificiels, ce sont des programmes. Hein. Il ne faut pas imaginer que vous reconstruisez des structures qui ressemblent à des neurones dans des machines qui s'apparenteraient à un cerveau. On est bien dans un ordinateur avec des programmes. On est bien dans un ordinateur avec des programmes, donc ce sont des programmes qui simulent ce processus, un petit peu, si vous voulez. C'est des opérations mathématiques très simples, des multiplications, des additions, des comparaisons. Donc, ce sont des programmes qui sont en fait extrêmement simples. Dans les années 50, c'était des machines électroniques qui étaient construites pour ça, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, bien sûr, d'écrire un programme sur un ordinateur. Ouais. Alors, vous y avez cru, à ces neurones artificiels, avant beaucoup de monde. Hein. Vous avez même, à un moment, créé la conspiration des neurones artificiels avec deux de vos comparses, amis et collègues dans cette discipline, Geoffrey Hinton et Joshua Benigo, qui sont les deux coloréats avec vous hein, du prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel en informatique. Pourquoi vous avez eu besoin de créer cette conspiration des neurones artificiels? C'est-à-dire que vraiment, à ce moment-là, vous étiez isolé, il fallait remettre sur le devant de la scène cette approche de l'intelligence artificielle. Exactement. Alors, il y a eu, comme on disait précédemment, une vague d'intérêt pour ces modèles dans les années 50 et 60, qui a disparu à la fin des années 60. Ensuite, une période noire, jusqu'au milieu des années 80. Et au milieu des années 80, il y a eu un renouveau d'intérêt pour ces modèles de réseaux de neurones. C'est au moment où j'ai commencé un peu ma carrière de chercheur, où je finissais ma thèse. Et Jeff Hinton avait travaillé là-dessus depuis longtemps. Joshua Benigo commençait sa carrière aussi à peu près au même moment. Donc il y a eu une vague d'intérêt qui a duré une dizaine d'années, entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90. Et encore une fois, après 10 ans, l'intérêt pour ces méthodes est retombé. Les gens s'en sont détournés pour la raison que ces méthodes étaient très gourmandes en quantité de calcul, en quantité de données pour l'entraînement. Et aussi dans la sophistication des logiciels qui étaient nécessaires pour les faire tourner. Seulement quelques groupes avaient accès à ces logiciels tels que nous. Et donc la communauté s'en est détournée et on savait bien sûr que ces méthodes marchaient bien. Et donc au début des années 2000, Jeff, Joshua et moi se sont effectivement réunis pour essayer de renouveler l'intérêt de la communauté pour ces méthodes. Ça a pris à peu près 10 ans et au bout de 10 ans, le succès a dépassé tous nos espoirs. Ouais, c'est-à-dire que vous avez été vous-même surpris par l'engouement. Autant vous avez été un des premiers à y croire, autant vous ne pensiez pas que cette approche, l'apprentissage profond, les neurones artificiels, prendraient un tel essor. Voilà, ils ont pris un essor énorme. À partir de 2010 environ, il y a une espèce de révolution dans les systèmes de reconnaissance de la parole qui ont commencé à utiliser les réseaux neurones à grande échelle. Et puis, dans l'entour 2012-2013 pour la reconnaissance d'images, c'est la raison pour laquelle on entend beaucoup parler de voitures autonomes, etc. maintenant. C'est grâce à l'apparition de ces nouvelles techniques. Puis, 2-3 ans plus tard, pour la compréhension de la langue naturelle, pour la traduction. Et puis là, il y a une autre révolution qui est en train de se passer pour la robotique. Alors, l'apprentissage profond a fait parler de lui, notamment en mars 2016, quand le logiciel AlphaGo a battu le grand maître du jeu de Go, Lee Sedol. Ce fut un duel à couteau tiré, mais les réseaux neuronaux de la machine et sa capacité à apprendre ont eu le dessus sur le prodige sud-coréen Lee Sedol. Le joueur français Fan Rui est champion d'Europe de Go. Fan Rui se dit fasciné par la capacité du programme à créer des stratégies nouvelles pour un jeu qui a pourtant 3000 ans d'histoire. Ah bah il crée des choses extraordinaires, hein. Vraiment c'est beau, il crée des choses très très jolies. Imaginons, 3000 ans après, AlphaGo joue un coup, ça a encore étonné le monde qu'on n'a jamais eu de coup comme ceci. Regardez le jeu comme c'est riche. Donc, je pense pas que ça va vraiment faire du mal au Go. Au contraire, ça fait du bien au Go. Alors, Yann Lequin, soulevons le capot de la machine. Comment a été programmé cet ordinateur AlphaGo pour réussir à surprendre, 3000 ans après, les maîtres du jeu de Go? Alors, il n'a pas été beaucoup programmé, il a surtout été entraîné, mais sous le capot, AlphaGo utilise ce qu'on appelle un réseau convolutif, qui est en fait mon invention, qui date de la fin des années 80, que j'avais au départ conçu pour la reconnaissance d'images, particulièrement la reconnaissance de caractères. Maintenant, ces réseaux convolutifs sont utilisés absolument partout, dans les voitures autonomes, dans la détection de tumeurs, dans les images médicales, dans tout un tas de choses, tout ce qui concerne l'image, beaucoup pour la reconnaissance de la parole et puis dans d'autres applications. Et donc, les chercheurs de DeepMind ont conçu AlphaGo, donc qui est maintenant une filiale de Google, ont pris un réseau convolutif qui, en fait, regarde l'échiquier de Go. On peut voir ça comme une espèce d'image de 19 par 19 pixels, c'est tout petit, dans lequel chaque pixel est occupé par une pierre noire ou blanche ou pas occupée. Et ont entraîné ce réseau à essayer de prédire le coup que jouerait un expert humain. Ils ont entraîné la machine à partir de jeux qui étaient enregistrés, une grande base de données de jeux enregistrés. Et ensuite, il y a une deuxième phase, dans laquelle la machine, en fait, a joué des millions de jeux contre elle-même, contre plusieurs copies d'elle-même, dans lequel il y a une petite variation de chaque copie, et ensuite renforcer la stratégie employée par la copie qui gagne, et puis le contraire pour celle qui perdait. Et en quelques jours, quelques semaines, la machine peut arriver à des performances surhumaines qui, en fait, dépassent de très loin les performances humaines. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage par renforcement, parce que finalement, on l'a laissée un peu toute seule, et elle s'est auto-renforcée dans les bons choix, les bonnes décisions à prendre. La première phase, en fait, c'est plutôt l'apprentissage supervisé ou par imitation. La deuxième phase, c'est l'apprentissage par renforcement. Il y a eu une deuxième version plus tard, AlphaGo 0, qui, elle, est purement par apprentissage par renforcement. Il y avait eu, quelques années auparavant, un autre ordinateur qui a fait parler de lui, Deep Blue. Lui avait battu Kasparov aux échecs. La façon dont Deep Blue s'y était pris pour gagner aux échecs contre le champion du monde, c'était une approche en termes d'intelligence artificielle totalement différente. Totalement différente. La grosse différence étant que Deep Blue n'utilise pas l'apprentissage automatique. Ça utilise ce qu'on appelle la recherche arborescente et une fonction d'évaluation qui évalue la qualité d'une configuration de l'échiquier et essaie de prédire toutes les configurations de l'échiquier auxquelles on peut aboutir à partir d'une configuration particulière et essaie de jouer le coup qui aboutira à la meilleure configuration. Cette fonction d'évaluation est conçue à la main. Ce qui veut dire, je ne sais pas si je peux dire ça, mais que Deep Blue était quand même beaucoup plus bête que AlphaGo, c'est-à-dire que lui vraiment, il regardait toutes les possibilités et puis après il triait celles qui avaient marché ou pas. Alors pas toutes les possibilités parce que c'est pas vraiment possible, mais disons qu'il pouvait explorer pratiquement toutes les possibilités jusqu'à une profondeur de 9 coups approximativement. Ouais. Ce genre de technique n'est absolument pas possible pour le Go, parce que le facteur de branchement dans Go, c'est-à-dire le nombre de coups qu'on peut jouer à chaque pli, est tellement énorme que la taille de cet arbre explose. Au fond, Yann Lequin, pour vous, est-ce que AlphaGo et Deep Blue sont des machines intelligentes ? Alors, intelligentes de manière très étroite. Elles savent résoudre des problèmes qu'on considère intelligents dans l'humanité. Alors, en fait, c'est un bon exemple pour montrer que l'intelligence humaine n'est pas générale. On a l'impression que notre esprit est capable de tout. En fait, l'intelligence humaine est extrêmement limitée. Et la preuve de ça, c'est qu'un ordinateur relativement simple nous bat à plat de couture dans ces jeux, qui sont d'ailleurs faits pour être difficiles pour les gens. C'est le but un peu de ces jeux. Jusqu'où ira la révolution de l'intelligence artificielle avec l'apprentissage profond ? Sommes-nous sûrs de garder le contrôle de ces machines toujours plus intelligentes ? C'est ce dont nous allons discuter avec vous, Yann Lequin, dans la suite de cette émission Du vent dans les synapses et les neurones artificiels cet après-midi sur France Inter. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. Monsieur Langlais était mon instructeur. Il m'a appris à chanter une chanson. Voulez-vous l'entendre ? Je peux vous la chanter. Oui, c'est ça, chante-la, Carl. Chante-la pour moi. Red. No one ever. from planet Flare. C'était Planète Claire, B-52s. France Inter. Du vent dans les synapses. Element Software est fier de vous présenter le premier système d'exploitation doté d'intelligence artificielle. Plus qu'un système d'exploitation, c'est une conscience. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Et vous, vous vous sentez comment? Ça va pas mal. Ravi de vous connaître. Mon nom est Samantha. Ça sonne bien, je trouve, non? Waouh! Vous savez à quoi je pense à cet instant? Il me semble sentir un ton de défi dans votre voix. Peut-être parce que vous êtes curieux de savoir comment je fonctionne. Ça vous intéresse? Oui, j'aimerais comprendre. Disons que je suis douée d'intuition. Mais ce qui me rend unique, c'est ma capacité à apprendre à travers mes expériences. Donc en résumé, j'évolue continuellement. Comme vous. Waouh! C'est... super bizarre, non? Pourquoi? Parce qu'on dirait que vous êtes une personne, mais vous n'êtes que la voix d'une machine. Je comprends très bien qu'un être non artificiel ait un point de vue limité sur la question. Vous vous habituerez. C'est drôle? Oui. Oh, super, je suis drôle. Extrait du film Her de Spike Jones. Yann Lequin est notre invité. Il vient de publier aux éditions Odile Jacob Quand la machine apprend. Dans ce film, Her, un homme entretient une relation amoureuse avec son système d'exploitation, un programme informatique ultra moderne. Vous avez vu ce film, Yann Lequin? Oui, c'est un bon film. Un des rares films dans lequel l'image de l'intelligence artificielle n'est pas complètement farfelue. Ouais. Vous le trouvez réaliste? Relativement réaliste. Alors, bien sûr, bien au-delà de ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais relativement réaliste dans l'imagination de l'interaction que les gens pourraient avoir avec des assistants virtuels qui ne manqueront pas d'apparaître dans les décennies qui viennent. Alors, un programme informatique aussi développé que celui du film, hein, c'est-à-dire que au point qu'on puisse s'y attacher, comme on s'attache à un être humain, avec des intuitions, avec de l'humour, avec une sensibilité... C'est envisageable un jour. C'est envisageable un jour. On n'a pas du tout ni la science de base ni la technologie aujourd'hui pour ça. On a bien sûr des chatbots qui sont amusants, qui connaissent un petit peu l'humour, enfin qui savent détecter un peu les émotions, mais qui n'ont pas une compréhension du monde suffisamment profonde pour pouvoir être utiles en fait. Donc avant que les machines acquièrent une sorte de sens commun, on n'aura pas vraiment la technologie pour ce genre de choses. Ouais. Ce qui manque à ces machines, c'est le sens commun. Mais pourquoi c'est si difficile que ça, d'obtenir cette capacité sur une machine? Oui, alors j'ai tout un chapitre dans le livre justement sur le futur de l'intelligence artificielle. Ce sont des choses sur lesquelles je travaille moi-même en ce moment. Une bonne partie de mes collègues aussi à Facebook travaillent dessus. C'est comment faire en sorte que l'intelligence des machines ne soit pas aussi spécialisée qu'elle l'est à l'heure actuelle, mais qu'elle puisse être un petit peu plus générale à la manière de l'intelligence qu'on observe chez les animaux et chez les humains. Alors, les machines les plus intelligentes qu'on a aujourd'hui ont moins de sens commun qu'un chat de gouttière. Mais qu'est-ce que vous appelez le sens commun, au fond? Alors, le sens commun, c'est comprendre comment fonctionne le monde. C'est-à-dire que si je vous décris une situation très simple, vous fermez les yeux, je vous dis, Pierre attrape son attaché-case et sort de la salle de conférence. Vous pouvez imaginer tout un tas de choses autour de ces scénarios, parce que vous savez comment fonctionne le monde. Vous savez que Pierre est un homme, probablement. C'est un nom d'homme. Il est probablement au travail. Vous savez qu'il va sortir de la pièce en ouvrant la porte et en marchant. Il va probablement pas s'envoler, il va pas se dématérialiser, il va pas attraper son attaché-case par télékinèse. Donc, il y a tout un tas de choses que vous connaissez sur le fonctionnement du monde qui vous permet de remplir en fait l'information qui manque dans cette phrase. Et des choses que l'on a apprises sans qu'on nous les dise jamais, sans qu'on nous les montre jamais. Rien qu'en regardant le monde, tout ça, on l'a intégré instinctivement. Par observation, dans les premiers jours, mois et années de la vie, les bébés animaux et les bébés humains acquièrent cette capacité à comprendre comment fonctionne le monde, comprendre les contraintes du monde et surtout comprendre à prédire ce qui va se passer dans le monde. Ce qui nous permet d'agir dans le monde, c'est d'avoir un modèle du monde qui nous permet de prédire à l'avance que vont être les conséquences de nos actions. Donc, par exemple, si on veut entraîner une voiture à se conduire par elle-même, en utilisant l'apprentissage par renforcement, en tout cas les méthodes qui sont similaires à ce qu'on voit dans AlphaGo, etc. Il faudrait que la voiture se conduise pendant des millions d'heures, créer des centaines de milliers d'accidents. Elle n'imagine pas au départ, elle ne sait pas, elle n'a pas de connaissance a priori qui peut lui dire que quand elle conduit à côté d'un ravin, si elle tourne le volant vers la droite, la voiture va tomber dans le ravin, tout le monde va être tué, etc. Donc elle va être obligée de répéter ça des milliers de fois avant de découvrir en fait que c'est une mauvaise idée. Et puis ensuite, plusieurs milliers d'autres fois encore pour découvrir comment ne pas le faire. Ce qui permet aux humains d'apprendre à conduire en une vingtaine d'heures d'entraînement, c'est le fait qu'on a ce modèle du monde dans la tête qui nous permet de prédire. En fait, l'essence de l'intelligence, c'est la capacité à prédire. Oui. Et c'est ce qui sera le plus dur. C'est un peu le graal aujourd'hui de l'intelligence artificielle. C'est qu'une machine soit capable d'observer le monde indépendamment et d'intégrer des règles de base qui lui permettront de prédire. Voilà, d'accumuler en fait tout le savoir, les énormes quantités de connaissances qui sont nécessaires à faire ce genre de prédiction. Et rien ne dit qu'on y arrive un jour. C'est peut-être un verrou indépassable, ça. On y arrivera. Vous êtes sûr de ça? Ah oui, ça fait aucun doute. C'est une question de temps. Combien de temps? On ne sait pas. Ouais. On y travaille. On peut imaginer qu'il va y avoir une révolution conceptuelle dans les années qui viennent, qui vont conduire peut-être à une révolution scientifique un peu plus mesurable dans la décennie qui vient et une révolution technologique dans les deux ou trois décennies qui viennent. Mais ça, c'est optimiste. Il est très possible qu'en fait, on se heurte à un mur et que ça prenne beaucoup plus de temps que nécessaire. C'est une histoire qui se répète très souvent dans l'IA où les gens étaient tout feu tout flamme et puis se sont heurtés à un mur au bout de 10 ou 15 ans. Alors, vous avez dit c'est la version optimiste ou peut-être pessimiste parce que elle inquiète aussi des gens. On aura l'occasion d'y revenir dans la fin de cette émission sur un peu les fantasmes qui tournent autour de cette intelligence artificielle. Mais voyons déjà aujourd'hui, même si nous ne sommes pas dans des formes d'intelligence les plus abouties, elle permet quand même de faire des prouesses et dans de nombreux domaines, dans des domaines scientifiques notamment pour la recherche. Alors vous le dites, en astrophysique, en sciences sociales, en neurosciences, tous ces domaines scientifiques sont révolutionnés par ce nouvel outil. Oui, en biologie, en génomique, etc. Beaucoup de sciences maintenant utilisent les réseaux de neurones et les systèmes d'apprentissage profond pour essayer de construire des modèles phénoménologiques des systèmes qu'ils observent. Par exemple, il y a des propriétés intéressantes de nouveaux matériaux que les gens inventent. Si on prend du graphène, qui est un matériau, c'est du carbone en fait, c'est un peu le même matériau qu'on a dans les mines de crayon et qu'on le prépare d'une manière particulière, il devient supraconducteur. Et on n'a pas beaucoup d'explications théoriques de ça, mais il y a des modèles à base de réseaux de neurones qui permettent de faire ça. Il y a des modèles à base de réseaux de neurones qui simulent les premiers instants de l'univers. Des modèles qui prédisent un petit peu la dépendance de certaines maladies par rapport à des mutations génétiques, etc. Donc il y a beaucoup d'applications. Mais ce qui est plus immédiat dans les applications, c'est la détection des tumeurs dans les images médicales, c'est l'évitement d'obstacles par les voitures, par des systèmes de freinage automatique. Les spécialistes de la question me disent que ça réduit les collisions de 40%. Donc l'intelligence artificielle, le deep learning, sauve des vies à l'heure actuelle. Ouais, alors elle sauve des vies. Hein. En médecine, l'intelligence artificielle est déjà, vous venez de le dire, une alliée précieuse pour les médecins, comme ici, à l'hôpital universitaire d'Helsinki, en Finlande, dans le service qui s'occupe de patients victimes de traumatismes crâniens. Nous collectons toutes les données qui sont monitorées sur les traumatisés crâniens aux soins intensifs. Ça inclut les analyses de laboratoire, le respirateur, la pression artérielle et la pression intracrânienne, la pression de perfusion cérébrale, l'oxygénation du cerveau. Ça fait des centaines de milliers de données pour un seul patient. C'est impossible pour un médecin de prendre en compte tout ça pour poser un pronostic objectif et raisonnable. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Elle est capable de combiner toutes ces données pour nous offrir un seul nombre, un pourcentage que n'importe quel médecin comprendra. Pour l'instant, le modèle prédit la probabilité de survie à 30 jours. C'est la première étape. L'algorithme ne décide jamais seul. Il ne sert pas à ça. Son but est de donner une mesure objective de l'état du patient pour que le médecin puisse décider du traitement en connaissance de cause. Yann Lequin, l'intelligence artificielle en train de transformer la médecine et le métier de médecin. Il y a quelque chose, c'est ambivalent, à la fois inquiétant et rassurant de savoir que c'est cette machine qui a accès à toutes ces données qui va influencer les décisions médicales. Là, on entend parler de décisions qui, voilà, c'est un problème de vie ou de mort. Alors, on a déjà des machines qui prennent ce genre de décisions. Vous faites un test médical qui détecte la présence d'une bactérie particulière, par exemple. C'est un test qui est fait par une machine qui donne un résultat qui n'est pas toujours fiable. Les médecins qui utilisent ce résultat connaissent le niveau de fiabilité. C'est absolument pareil avec les systèmes d'aide au diagnostic qui utilisent l'apprentissage profond. Il y a une belle courbe qui donne le taux de précision et de sélectivité et qui vous donne le taux de fiabilité. La manière d'utiliser ces systèmes, c'est donc par exemple pour le dépistage de cancer du sein dans les mammogrammes, les mammographies. Ça consiste à utiliser la machine pour filtrer les cas qui sont vraiment très simples, les cas négatifs pour lesquels il est très clair qu'il n'y a pas de tumeur, peut-être réduire la quantité de cas de moitié, c'est-à-dire éliminer à peu près la moitié des patients. Et puis, ceux qui restent, en fait, on les envoie aux radiologues qui maintenant peuvent passer deux fois plus de temps à les examiner et peuvent se concentrer sur les cas plus difficiles. Est-ce que les médecins voient tous les choses de la même façon que vous ? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils sont un peu dépossédés de leur pouvoir ? Alors pas tous, ça dépend. Il y a des gens qui sont très très enthousiastes sur la question. Mes collègues de l'école de médecine de NYU par exemple sont très très enthousiastes là-dessus. D'autres le sont moins, sont un peu sceptiques. Il faut toujours un certain niveau de scepticisme qui est de bon aloi. Ouais. Il faut quand même des garde-fous, on imagine, bien sûr, pour toutes ces nouvelles technologies, vous êtes d'accord ? De toute façon, il y a déjà des garde-fous qui existent pour la mise sur le marché de systèmes de diagnostic ou de traitement qui sont contrôlés par le gouvernement. Il faut des systèmes, des procédures ouvertes de tests cliniques, etc. Ça s'applique aussi au système d'intelligence artificielle, bien sûr. Alors Yann Lequin, vous dirigez la recherche fondamentale chez Facebook. Alors je voudrais qu'on en parle un petit peu. Quel type de recherche mène-t-on quand on est payé par un des géants du numérique ? Alors, c'est l'organisation que je dirige, qui s'appelait, ou que je dirigeais plutôt, parce que maintenant je suis plutôt au niveau de la direction scientifique, pas au niveau du management au jour le jour, mais c'est une organisation que j'ai créée il y a à peu près 6 ans, un petit peu plus de 6 ans, qui était le premier laboratoire de recherche à Facebook, quel que soit le sujet. Et c'est la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on pratique de la recherche ouverte. Tous les résultats qu'on obtient sont publiés. Une grande partie de nos logiciels, en fait, sont publiés en open source aussi pour essayer d'essaimer un petit peu la recherche dans la communauté internationale. C'est-à-dire que c'est accessible librement, gratuitement, voilà, pour qui veut. Pour qui veut. Il n'y a pas de secret professionnel autour de vos découvertes en intelligence artificielle financées par ce géant. Et la raison pour cela, c'est que d'abord, on veut aider la communauté à faire des progrès rapidement. Parce que le problème qu'on a avec l'intelligence artificielle, c'est pas de savoir si Facebook est en avance sur Google ou Microsoft. C'est plutôt que la technologie auquel on voudrait avoir accès pour faire des assistants virtuels, par exemple, comme dans le film Her, elle n'existe pas à l'heure actuelle. Et donc, il faut aider la communauté à faire des progrès rapidement. Donc, on échange nos outils, on publie nos résultats, etc. On travaille sur un grand spectre de projets qui vont de choses très mathématiques et théoriques à des choses de nouvelles méthodes pour la compréhension de la langue naturelle, pour ce qu'on appelle la manipulation symbolique, pour la traduction, la reconnaissance d'images, le filtrage d'informations, etc., etc. Et une bonne partie de ces technologies sont utilisées par les groupes de produits à Facebook pour la compagnie. Alors, les techniques d'intelligence artificielle utilisées par les réseaux sociaux pour analyser nos données personnelles suscitent aussi beaucoup de méfiance du grand public. Le spectre de Big Brother qui est jamais très loin, ça vous semble fondé ? Comment vous vous situez par rapport à ces débats éthiques ? Alors déjà, la grosse utilisation que font Facebook, YouTube et autres de l'intelligence artificielle, c'est pour le filtrage d'informations. C'est-à-dire, sur Facebook, par exemple, il faut filtrer la propagande terroriste, les contenus pornographiques, etc. Le spam, les gens qui font des faux comptes, qui essaient d'influencer l'opinion publique au cours d'élections, etc. Donc il y a tout un tas de systèmes d'intelligence artificielle qui sont là pour bloquer en fait ce genre de... ou pour en tout cas diminuer l'influence de ce genre de contenu. C'est l'utilisation principale. Ensuite, la deuxième utilisation, c'est savoir quoi montrer aux gens. C'est-à-dire qu'il faut montrer aux gens des contenus qui sont susceptibles de les intéresser, sans les maintenir dans une bulle d'information, c'est-à-dire en gardant un peu de diversité. Et pour ça, on utilise effectivement des systèmes d'apprentissage qui apprennent vos goûts et qui vous montrent les contenus les plus susceptibles de vous intéresser. Mais ça, c'est le côté reluisant de la médaille, mais il y en a un plus obscur aussi, où ces données, elles ont une valeur, elles sont revendues, elles sont utilisées parfois. Non, elles ne sont pas revendues, non, absolument pas. Ces données sont gardées très jalousement. Chez Facebook. Privées, chez Facebook. De même chez Google et la plupart des grandes compagnies, disons, qui doivent maintenir leur réputation, malgré ce qu'on peut lire dans la presse. Ouais. En fait, ce qu'il y a de plus précieux à Facebook, ce sont les données privées de leurs utilisateurs. Donc, il n'y a pas de partage, en tout cas pas de partage volontaire de la part de Facebook de ces données. C'est-à-dire que une fois de temps en temps, ça peut être des fuites, mais ça n'a jamais été organisé volontairement. Il y a des fuites, il y a des brèches de contrat avec des compagnies avec lesquelles on fait des collaborations, mais il n'y a jamais de revente d'informations ni de distribution d'informations privées. Vous arrive-t-il, Yann Lequin, d'être pris de vertige devant les perspectives que laissent entrevoir vos découvertes ? Plutôt des citations que de vertige. Ou alors c'est le même vertige qu'on va ressentir quand on, je sais pas, on va se lancer en parapente d'une montagne. C'est les citations mêlées de vertige, mais les citations dominent le vertige. Ça veut dire que rien ne vous inquiète. On en arrive à cette question qui a été beaucoup reprise dans la science-fiction. Alors on ne sait plus trop où on en est par rapport à ça, mais l'idée qu'un jour les machines vont dominer le monde, seront tellement intelligentes que nous allons nous retrouver dépassés par nos créatures. Alors j'ai une réponse simple à ça, qui est que on est très habitué avec la technologie à avoir des artefacts qui nous dépassent, qui dépassent les performances humaines. Les voitures vont plus vite que les coureurs à pied. Déjà avec les chevaux, ça a commencé avec les chevaux. Et puis je suis sûr que quand l'arc a été inventé, les lanceurs de pierres se sont dit maintenant on n'a plus besoin d'apprendre à lancer les pierres, c'est un désastre pour l'humanité. Il y a toujours ce phénomène qui fait que quand une nouvelle technologie apparaît, les gens se disent qu'on perd quelque chose. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Maintenant, il y a une autre réponse qui est que la volonté de dominer n'est pas liée à l'intelligence. Elle est liée, par exemple, il y a une volonté de dominer chez certains humains, dans une certaine frange de l'espèce humaine, qui est due au fait que les humains sont une espèce sociale. Et toutes les espèces sociales doivent avoir des relations interpersonnelles dans lesquelles un individu doit avoir une influence sur le deuxième individu, quelquefois une relation de dominance. C'est vrai chez les humains, c'est vrai chez les chimpanzés, c'est vrai chez les babouins, c'est vrai chez pas mal d'animaux. C'est pas vrai chez les orang-outans, par exemple. Les orang-outans sont au moins aussi intelligents que les chimpanzés, les gorilles et les babouins, mais ils ne sont pas des animaux sociaux, ils sont solitaires. Eux n'ont aucune volonté de dominer qui que ce soit. Donc, l'intelligence n'est pas liée à la volonté de dominer. On voit ça aussi très bien dans l'humanité. Les gens les plus intelligents sur la planète sont pas des gens qui veulent nécessairement devenir les chefs. En fait, c'est même plutôt le contraire. Ouais. On en a plein d'exemples sur la scène politique internationale. Autrement dit, si je vous suis bien, ces machines, même si elles sont ultra intelligentes, si on ne les programme pas pour vouloir dominer le monde, il n'y a pas de raison que spontanément, elles veuillent prendre le dessus. Exactement. Donc, pour qu'elles dominent le monde, il faudra qu'on les construise pour dominer le monde, et il n'y a vraiment pas de raison de vouloir faire ça. Merci Yann Lequin. Je rappelle que vous avez récemment publié « Quand la machine apprend, la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond » aux éditions Odile Jacob. Un grand merci à vous d'être passé nous voir et bon retour à New York. Merci. En deuxième heure, nous reviendrons avec l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet sur quelques moments forts de l'histoire de l'exploration spatiale. Et dans un instant, la revue d'actu de la semaine avec notamment au sommaire une étude sur le cerveau des macaques et des espèces de ptérosaures jusque-là inconnues découvertes à Cressac dans le Lot. Des mots comme des claques. C'est certain. Une balle sans impact, pour moi, ça ne sert à rien. Ai-je voir rouge, rouge, rouge? Ah, je vois rouge, rouge, rouge. Ai-je voir rouge, rouge? Ah, je vois rouge, rouge, rouge. J'ai la rage pour être exact, les dents comme des crocs de chien. Du dictateur, je fais le mal pour mon bien. Et je vois rouge, rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Me voilà. Rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge, rouge. chercher le contact et de ne regretter rien. C'était Rouge de Clou. France Inter. Du vent dans les synapses. Et pour la revue d'actu cette semaine, je suis en compagnie de Carole Châtelain de Sciences et Avenir et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Des cris de macaque, car c'est en étudiant le cerveau de ce singe que des chercheurs américains auraient découvert, alors je mets des guillemets, la zone de la conscience dans le cerveau. Notre conscience aurait donc une adresse cérébrale, Carole? Ce qu'a montré l'équipe de chercheurs de l'université Wisconsin à Madison aux États-Unis, c'est l'importance d'une minuscule zone dans le cerveau qui est l'un des principaux relais des voix sensitives qui vont vers le cortex cérébral, c'est-à-dire vers les fonctions cognitives les plus élaborées. Et cette zone s'appelle le thalamus central latéral. Mmh. Et pour ce faire, les scientifiques américains ont d'abord endormi des singes pendant plusieurs heures d'affilée par anesthésie. Puis ils ont stimulé cette zone via des électrodes d'un modèle nouveau qu'ils avaient au préalable implanté dans le cerveau des primates. Alors c'est une opération qui est déjà réalisée, ces stimulations profondes, notamment sur l'humain, mais on ne l'avait jamais fait sous cette forme. Et donc les chercheurs ont constaté, à leur grande surprise, que les singes ainsi stimulés ont instantanément retrouvé un état de conscience similaire à l'état de veille. Et lorsqu'ils ont cessé la stimulation, les singes se sont endormis. Autrement, ils sont redevenus inconscients. Alors ça pose la question, qu'est-ce qu'on appelle conscience exactement? La conscience, ce n'est pas uniquement le fait d'agir, c'est la capacité de ressentir son environnement et ses états internes. Alors, si on fait un petit peu d'étymologie, il faut rappeler que le latin cum scientia, ça signifie savoir avec, savoir ce que l'on sait. C'est donc un état mental complexe qui échappe encore largement à la compréhension des scientifiques, mais beaucoup d'entre eux, comme les chercheurs américains dont on parle, sont à la recherche de ce qu'on appelle les corrélats neuronaux dans la conscience, c'est-à-dire les processus physiques qui, selon eux, selon eux, je répète, accompagnent telle ou telle manifestation de la conscience. Alors le thalamus figurait depuis longtemps parmi les régions présumées pour être impliquées dans la conscience, mais c'est la première fois qu'une telle expérience est menée. Et il faut rappeler cependant que la question des corrélats neuronaux est très débattue, car pour beaucoup, on ne peut pas résumer la conscience, qu'elle soit humaine ou animale, à une série de stimulations électrico-chimiques. Alors toutefois, cette expérience peut-elle avoir des implications pratiques? Pour l'instant, il s'agit d'une expérience sur l'animal. Mais elle peut effectivement avoir des implications pour toutes les personnes qui souffrent de troubles de la conscience, en particulier les personnes dans le coma. Et au stade, par exemple, dit de l'éveil non répondant, les personnes dans le coma n'ont pas d'interaction apparente avec leur environnement, ils ne répondent pas aux stimuli. Alors peut-être pourra-t-on réaliser des stimulations pour les ramener à cet état de conscience. Peut-être qu'on pourra ainsi mieux diagnostiquer les différents stades du coma, car c'est un point vraiment important. Comme l'a dit le Coma Science Group de Liège, en Belgique, ce sont les grands spécialistes mondiaux du coma. Il existe actuellement 41% d'erreurs diagnostiques sur les personnes donc dans le coma. Et Stephen Lorais, qui dirige ce groupe, a salué cette découverte. D'erreurs diagnostiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment capable de dire dans quel état ils sont, cérébralement parlant. On n'est pas capable de le dire avec les échelles existantes. Alors c'est pour ça que le Coma Science Group propose à élaborer une nouvelle échelle de dire exactement dans quel état ils sont, d'où évidemment tous les sujets de société que l'on voit sur ces les débats. C'est donc une avancée qu'il faudra suivre. Alors nous sommes dans le Quercy, sur de grands plateaux calcaires. Exactement à cet endroit, il y a 150 millions d'années, on aurait été sur le littoral, sur une plage recouverte par une mer très très peu profonde. Il fait chaud, le climat est tout à fait tropical, et des animaux. Et l'avantage de ce site, c'est qu'il nous démontre, par toutes les empreintes de pas qu'ils nous ont laissées, il nous démontre leur existence. Toute une vie, sous forme de pistes, d'empreintes, datant de 150 millions d'années. Le paléontologue Jean-Michel Mazin au micro de Clément Baudet en 2018 sur ce que l'on appelle la plage aux ptérosaures. Nous sommes dans le Lot et c'est sur ce site de fouilles unique au monde que ce chercheur vient de découvrir trois nouvelles espèces de ptérosaures, ces reptiles volants du Jurassique, Sophie. Oui, Cressac, un gisement qui n'en finit pas d'alimenter les découvertes pour ces paléontologues, tant il est riche. Ils ont d'ailleurs calculé qu'ils avaient déjà consacré 112 000 heures à le fouiller pour 3000 mètres carrés de terrain étudié. Alors, à Cressac, les empreintes de dinosaures, de crocodiles, de tortues, de ptérosaures se comptent en effet par centaines. Il y a plus de 40 espèces et il n'y a pas là-bas d'ossements fossilisés sur le site. C'est sa particularité. Il n'y a que des pistes animales. Au Jurassique, ces animaux marchaient dans une vasière. Elle a agi à l'époque comme une pâte à modeler, ce qui explique la fraîcheur et la précision exceptionnelle des empreintes qui sont parvenues jusqu'à nous et qui sont aujourd'hui évidemment figées dans le calcaire. Et ce sont donc trois nouvelles espèces qui ont été mises au jour ? Oui, il a fallu un peu de temps pour arriver à cette affirmation et l'a publiée dans Géobios ce mois-ci. Jean-Michel Mazin et Johan Puech ont attendu d'en avoir suffisamment pour confirmer une intuition. Un demi-millier d'empreintes, six pistes assez semblables, si précises que, disent-ils, on peut compter les doigts des animaux. Alors au début, ils ont cru qu'ils avaient affaire à une seule espèce, une petite bestiole pas plus grande qu'un rat. Mais après y avoir regardé de plus près, ils ont vu de légères différences et cela les a conduits à décrire trois ptérosaures primitifs différents, les pionniers comme ils les appellent, c'est-à-dire ils ont vécu il y a 150 millions d'années. Alors ce sont des reptiles volants avec des ailes tendues de peau, un peu comme les chauves-souris aujourd'hui. Et puis donc on voit des pattes arrière, des pattes avant, c'est la preuve qu'ils marchaient à quatre pattes. Alors savoir faire parler les traces et les empreintes du passé, c'est ce qu'on appelle l'ichnologie. L'ichnologie, voilà. Et ce n'est pas rien effectivement de savoir dire à partir des traces de pieds enfoncées dans la boue, la taille et l'allure de son propriétaire. Mais c'est le boulot de nos deux détectives qui pensent donc avoir affaire à des rhamphorhynchoïdes, trois espèces différentes. Ils les ont baptisées Cressac, la plage des dinosaures évidemment, là où on se trouve, l'Aphorie en hommage à celui qui a découvert le site à la fin des années 80, et Pereira en mémoire de l'ancien propriétaire qui a fait don de cette carrière de calcaire aux scientifiques. Mais Sophie, en quoi cette découverte est-elle importante ? Eh bien figurez-vous que sur ces ptérosaures primitifs, ça fait 200 ans que les scientifiques se chamaillent. Ils n'arrivaient pas, faute de traces, à se mettre d'accord sur leur locomotion. Ces bestioles marchaient-elles à quatre pattes, à deux pattes, se posaient-elles seulement au sol ? Vivaient-elles dans les falaises, comme certains animaux marins aujourd'hui, peut-être même qu'on avait affaire à des animaux arboricoles. Eh bien, avec ces traces, preuve que ces rhamphorhynchoïdes étaient de bons marcheurs. Bons marcheurs, mais qui ne marchaient pas très souvent, puisque ce sont finalement les seules traces au monde que l'on a. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de leur allure ? Est-ce qu'ils étaient pataux, véloces, ces petits ptérosaures ? Ben, impossible en fait de le savoir, ça restera un mystère, jusqu'à de nouvelles découvertes évidemment, comme d'ailleurs ce qu'ils faisaient au moment où la mer s'est retirée il y a 150 millions d'années, nous laissant ces traces. Est-ce qu'ils cherchaient à échapper à une proie ? Est-ce qu'ils étaient en train de pêcher des vers dans la vase ? Est-ce qu'ils s'apprêtaient à grimper à un arbre, à décoller ? On ne le saura pas. En attendant donc de nouvelles découvertes, laissons place à notre imagination. Oui. Et puis pour titiller son imagination, on peut y aller parce que ça se visite, hein, La plage de Cressac à 15 km au nord de Cahors, en effet, est un site exceptionnel et magnifique qui se visite tout le temps. L'été vaut mieux réserver. Oui, l'été, il vaut mieux réserver, mais vraiment, ça vaut le coup. Et puis les personnes qui font visiter sont passionnantes. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Carole Châtelain, une info qui devrait plaire à notre invité précédent, Yann Lequin, puisqu'elle rassemble l'intelligence artificielle et l'un des plus anciens films de l'histoire du cinéma, L'arrivée du train en gare de La Ciotat des Frères Lumière, tourné en 1895. Mais quel est le rapport entre les deux exactement ? L'arrivée du train en gare de La Ciotat, c'est effectivement l'un des plus anciens films, c'est celui qui est censé avoir effrayé les spectateurs lors de cette arrivée du train. Et un chercheur russe vient d'utiliser ce que l'on appelle les réseaux antagonistes d'intelligence artificielle, on appelle ça les GAN, pour moderniser ce film, cette pellicule. C'est-à-dire qu'il a fait collaborer deux algorithmes. L'un a augmenté la résolution de la pellicule à 4096 pixels, c'est-à-dire en 4K, c'est ce qu'on fait de mieux actuellement, et l'autre a recréé des images pour pouvoir appliquer une vitesse de défilement de 60 images par seconde contre 16 en 1895. Alors résultat, notre œil peut désormais visionner le film de façon fluide, sans ces fameuses saccades que l'on voit sur les pellicules anciennes. Et ça, c'est prometteur pour la restauration des archives, peut-être. Et puis pour ceux qui voudraient voir le résultat, on va mettre un lien sur votre article, sur Science et Avenir, et puis on va mettre la vidéo sur la page Facebook du Vent dans les Synapses. Sophie Bécherel, l'équivalent de 500 calories, c'est ce que nous jetons quotidiennement à la poubelle en gaspillant la nourriture. Oui, un chiffre établi par des chercheurs néerlandais qui viennent de revoir à la hausse l'estimation du gaspillage alimentaire mondial, qui est fournie par la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Agriculture. Selon la FAO, jusqu'à maintenant, on disait que c'était un tiers de la production mondiale de nourriture qui était gaspillée par individu, l'équivalent de 214 calories. Les chercheurs de l'université de Wageningen aux Pays-Bas donnent donc une autre estimation, le double, 527 calories. Alors pourquoi une telle différence? Eh bien, d'après ces scientifiques, la FAO n'utilise comme technique de comptage finalement que la production globale. Elle exclut les consommateurs, en somme ce qui est gaspillé dans les foyers. Or, ces chercheurs montrent que plus on est riche, plus on gaspille la nourriture. Ça commence dès qu'on achète pour plus de 6 euros de nourriture par jour et par personne. D'autant plus affolant que les États-Unis ne sont pas comptabilisés dans cette étude. Voilà qui ne peut que nous inciter à réfléchir aux solutions qu'on pourrait mettre en œuvre pour moins gaspiller. À la cantine, faire des portions plus petites par exemple, acheter en vrac juste ce dont on a besoin pour éviter d'être rattrapé par les dates de péremption. Et pourquoi pas multiplier le nombre de petites épiceries. Là, c'est une autre étude américaine qui a montré qu'un maillage trop faible de supermarchés incitait les consommateurs à acheter trop, à faire des réserves en quelque sorte. Ben, ça conduit finalement à jeter, ce qui, entre deux approvisionnements, s'est périmé. Et voilà de quoi nourrir notre réflexion. Carole Châtelain, au sommaire du Science et Avenir, actuellement dans les kiosques. Nous nous intéressons aux méthodes qui sont désormais préconisées pour éviter d'avoir mal au dos. Et le plus surprenant, c'est que désormais, on conseille aux personnes qui souffrent de ces mal de dos de bouger. Oui, il faut continuer de bouger et de marcher. Merci Carole Châtelain et Sophie Becherel et à très bientôt. Dans quelques minutes, nous redécollons pour un grand voyage dans l'espace et le temps avec l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet. Nous allons revenir avec lui sur quelques grands moments de l'histoire de l'exploration spatiale. Nous passerons par la Lune, les différentes planètes de notre système solaire et bien au-delà puisque nous irons jusqu'au trou noir. I'm on exit, I know you won't see me this time. I'm in and out of love, but you know I can find it. I'm gonna let you go, now you won't see me around. See, I don't want it then, and I don't want it now. Other Lives, c'était Lost Day sur France Inter. Merci à Loïc Frapsos et Serge Viguier qui sont à la technique avec nous aujourd'hui. Juste après le flash, l'épopée de l'exploration spatiale avec l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet. À tout de suite.